Jean-Baptiste Ndikomanyanga. Et nous soyons venus sur la maison onde. Bienvenue à ce journal édition de la mi-journée de ce jeudi 25 février 2021. Donc voici d'abord le sommaire. Le gouverneur de la province Kayanza appelle les commerçants de cette province à se regrouper dans des associations pour mieux développer ce secteur. C'était au cours d'une réunion avec cette autorité que cette autorité a organisée à leur intention ce mercredi. Le budget de l'État exercice 2020-2021 au premier trimestre est déjà exécuté à plus de 18% selon le rapport produit par le ministère burundais des Finances. Vous l'entendrez dans ce journal. Et en page éducation, la coalition Bafashevigué plaide pour une éducation inclusive de qualité dans les provinces du sud du pays. Nous aurons le point avec notre correspondant sur place, Jérôme Hakizimal. Ouvrons ce journal par la page gouvernance. Le Comité national de dialogue social a beaucoup contribué pour parvenir à éviter les grèves à milieu du travail du Burundi depuis 7 ans de son existence. Propos de Domine Banyankimbona, le ministre ayant la fonction publique dans ses attributions, dans un atelier avec les parlementaires et les hauts cadres de l'État sur les bases du dialogue social et leurs impacts sur la paix sociale, la justice sociale et le développement durable. Animé ce jeudi dans cet atelier, le Premier ministre salue la contribution des syndicats et celle de l'Association des employeurs au Burundi suite à leur implication dans la prévention et la résolution pacifique des conflits en milieu du travail. Alain Guillaume Bugnoni a interpellé les participants à comprendre que le dialogue social est un outil incontournable dans la vie de la nation. Dans cette même page gouvernance, les sénateurs burundais demandent à l'État de suivre de près la signature à plusieurs personnes d'un acte de vente d'une propriété par les administratifs à la base et la substitution des officiers de la police judiciaire à la justice. Au cours des questions orales ce mardi au palais de congrès du Sénat Gitega, le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions reconnaît la persistance de ces pratiques malgré les sanctions prises à l'endroit des coupables et demande un travail collégial pour leur découragement. Les détails avec Jean de Dieu Irakotse. Lors de la séance des questions orales concernant le ministère sous sa responsabilité, Gervain de la Kobucha a été interrogé sur le comportement de certains administratifs à la base qui signent un acte de vente d'une parcelle à plusieurs personnes à la fois. Les honorables sénateurs ont rapporté des cas de vente de parcelles à plusieurs personnes dans les milieux urbains et surtout à Bujumbura. Certains administratifs signent les actes de vente tout en sachant que le même vendeur a déjà vendu sa parcelle à une autre personne. Monsieur le ministre, qu'est-ce que vous préconisez faire pour décourager définitivement de telles pratiques? Sur cette question, il a répondu qu'en mettant de côté le caractère pénal de cet acte, il espère la cessation de cette pratique suite aux séances de sensibilisation effectuées par le ministère sous son attribution. L'autre question soulevée concernait ce que le ministère fait pour décourager les officiers de police judiciaire agissant à la place de la justice. Ici, le ministre de la Kobucha citant l'application des sanctions aux coupables, mais en soulignant qu'ils savent se couvrir et ainsi de demander le travail en synergie pour éradiquer cette pratique. Vous voyez souvent que nous essayons de sanctionner les coupables. Il est même difficile de les appréhender car ils sont très habiles pour se couvrir. Pour tout dossier ouvert par le PJ, il n'a pas droit au classement sans suite. Mais ils appréhendent une personne le vendredi par convention avec quelqu'un d'autre pour des fins d'acceptation de règlement des litiges. Notre vente n'est pas facile. C'est pas facile, mais il faut continuer. Aidez-nous en nous signalant si vous constatez des bavures pour essayer de décourager cette pratique. Des abandons des familles par certains agents de la police sous prétexte d'avoir beaucoup de travail et l'autre comportement soulevé par les sénateurs. Depuis Gitega, Jean de Dieu Irakoze, Radio Isanganiro. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Je vous le disais en titre, en page commerce, des commerçants de la province Kayanza sont invités à se regrouper au sein des associations et coopératives ainsi qu'à la réhabilitation de leurs magasins pour développer le commercial dans cette province. C'est un appel leur lancé par le gouverneur de cette province dans une réunion qu'il a organisée avec ses commerçants l'après-midi de ce mercredi. Sylvestre Ndouimana, représentant des commerçants de Kayanza, demande que la réalisation de ces projets soit à long terme du fait que beaucoup de commerçants dans cette province éprouvent de difficultés dans leur commerce liées au manque des capitaux suffisants. Les détails avec Patrick Saint-Guillaume. Les gens exerçant des activités génératrices de revenus qui se regroupent au sein des associations et coopératives se développent facilement et rapidement. Ce sont les propos de Rémi Chichayo, le gouverneur de la province Kayanza. Il y a dit l'après-midi de son mercredi, dans une réunion qui a rencontré cette administrative provinciale avec les commerçants exerçant surtout les activités commerciales au chef-lieu de la province Kayanza. Dans cette réunion, le gouverneur de la province Kayanza leur a demandé de se regrouper dans des associations pour épanouir le secteur commercial en cette province. La réhabilitation des magasins construits au chef-lieu de la province Kayanza serait aussi un autre facteur du développement du commerce dans cette localité, a ajouté Rémi Chichayo. Gilles Rignandu, administrateur de la commune Kayanza de son côté, a sensibilisé les commerçants qui étaient là d'adhérer massivement aux sociétés d'assurance pour la sécurisation de leurs biens commerciaux. Les commerçants participant à cette réunion qui était organisée par l'administration provinciale à Kayanza ont dit se réjouir des clauses de cette même réunion. Pourtant, certains d'entre eux ont indiqué que la petitesse de leurs capitaux est un défi quant à leur participation à la mise en exécution de ces projets. Sylvestre Ndouimana, représentant des commerçants en province Kayanza, a demandé à l'administration provinciale que ces projets soient des projets à long terme. Il a profité également de cette occasion de la réunion pour dénoncer l'administration communale Kayanza de n'avoir pas honoré les promesses et les faites pendant la construction du marché de Kayanza. Chaque commerçant versait une somme équivalente à 420 000 comme capital, avec une promesse que cet argent générera des intérêts lorsque le marché serait fonctionnel, a expliqué Sylvestre Ndouimana. Depuis Kayanza, Patrick Nsengimba pour la radio Isanganiro. Merci à Patrick pour tous ces détails. Je vous le disais en titre, l'exécution du budget de l'État au premier trimestre de l'exercice 2020-2021 a été exécutée à hauteur de 18,3%. Le rapport produit par le ministère burundais des Finances montre également qu'une prévision de recettes propres de plus de 1 050 milliards. L'Office burundais de recettes OBR a déjà recouvré plus de 280 milliards de francs burundais de juillet à septembre. Au studio, je suis avec Miri Kanyang et il nous donne les détails. Selon ce rapport du premier trimestre de juillet à septembre pour l'exercice budgétaire 2020-2021, le ministère des Finances s'engage désormais à produire des rapports trimestriels et annuels sur l'état d'exécution du budget conformément à la loi du 4 décembre 2008 relative aux finances publiques. Ce rapport du premier trimestre montre que sur un montant de plus de 1 054 milliards de francs burundais de recettes propres prévues pour 2020-2021, les services de l'OBR ont déjà recouvré plus de 282 milliards de francs burundais, soit un taux de réalisation de 26,7% grâce à l'augmentation de l'impôt sur les biens et services. Selon toujours ce rapport, le taux d'exécution des salaires et transferts est de 26,3% à la fin du premier trimestre. Un dépassement poursuit ce rapport dû au paiement des indemnités de fin de mandat des ayants droit pour les biens et services. Ce taux d'exécution est de 31,2%, dépassement expliqué par l'acquisition de nouveaux équipements pour les hautes institutions du nouveau gouvernement et la réhabilitation de certains bureaux. Selon encore une fois ce rapport, le taux d'exécution des investissements sur ressources nationales est de 8,5%, un faible taux enregistré suite à un retard dans les dépenses et les procédures des marchés publics dans son rapport d'exécution du budget de l'État au premier trimestre de 2020-2021. Les exonérations accordées sont évaluées à plus de 60 milliards de francs burundais, dont 20,7% accordés dans le cadre des incitations fiscales aux investisseurs par le Code des investissements. Et ce rapport relatant l'exécution du budget au premier trimestre est rendu public après celui de l'exercice budgétaire 2019-2020, sachant que le dernier rapport de l'exécution de le dernier rapport du taux d'exécution budgétaire à l'Assemblée nationale datait de 2014. Merci à Mireille. Page éducation à présent, certains lauréats de l'Institut universitaire des sciences de la santé et du développement communautaire ont observé un sit-in aujourd'hui devant les bureaux de l'Institut. Ils réclament il y a 2 ans leur diplôme. Le ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique, considérant que l'Institut a demandé des programmes non encore validés, le recteur de l'Institut indique que les programmes ont été validés dans un atelier relatif. Dr Canisius Afzalimana demande au ministère de l'Éducation et de la Recherche scientifique de sortir une ordonnance portant validation des programmes de l'Institut. Il est au micro dans les Désirés Boukenet. Il s'observe un certain temps où les étudiants qui ont fréquenté notre institut se voient refuser ce qu'on appelle intérimement de leur diplôme de la part du ministère. Ces étudiants sont de deux catégories. Donc, il y a des étudiants qui étaient dans l'ancien système. Il y a des étudiants qui passent de l'ancien système au nouveau système. Une partie des étudiants, c'est qu'une ordonnance qui devrait sortir, donc sanctionnant un atelier de validation des programmes, n'est pas encore disponible. Sinon, pour les autres, c'est qu'on délivrait un diplôme de technicien supérieur A1 qui n'avait pas eu une note exigée à l'examen d'État. Cela, leur question trouve solution dans l'ordonnance qui vient de sortir récemment. La direction générale en charge de l'enseignement supérieur accuse votre institut que vous ne coopérez pas avec les services en charge de la question pour une issue favorable. Pourquoi? On n'a pas compris parce que même les étudiants disent que certaines autorités du ministère leur disent que les autorités de l'institut ne veulent pas collaborer avec le ministère. Nous sommes demandeurs. Alors que je vous dis même, je pense qu'on a même demandé une audience pour rencontrer le ministre pour expliquer le cas de ces étudiants. Votre institut a dispensé des programmes qui n'ont pas été validés et partant, vous avez continué à délivrer des diplômes de l'ancien système. Est-ce possible dans le nouveau système? Ces programmes ont été validés et l'atelier a eu lieu. Il reste seulement l'ordonnance sanctionnant ça. Au point de vue technique, la Commission nationale de l'enseignement supérieur CNES a validé ça et le rapport est chez le ministre. Je pense que les étudiants sont fatigués et ils ont raison. C'était la Canisius Afzalimana, recteur de l'Institut de santé et du développement communautaire. Il était au micro d'Alain Désiré Boukéineza. Dans cette même page, éducation contribuée, plaider pour une éducation inclusive de qualité et équité. Voilà certains des objectifs principaux de la coalition éducation pour tous. Bafashebigé, cette dernière a organisé ce mardi à Makamba un atelier de formation à l'intention des représentants des organisations féminines des provinces de Bururi, Rumonge et Makamba et celles des groupes marginalisés afin de les faire retourner sur le banc de l'école. La coordinatrice de Bafashebigé indique que 23% des enfants en âge de scolarité parmi ces groupes ne sont pas à l'école. Le point avec Jérôme Akizimane. L'éducation inclusive n'exclut aucun enfant sans tenir compte de ses traits physiques, comme l'indique la coordinatrice de la coalition Éducation pour tous, Bafashebigé, qui explique que les enfants des groupes marginalisés se heurtent encore à plusieurs défis. Le pourquoi de cette coalition à s'intéresser à eux, Denise Kandondo, parle de certaines des causes les plus fréquentes. Il y a une multitude de causes, mais la grande majorité, c'est la pauvreté. Et c'est ces enfants vivant avec un handicap. Il y a aussi les violences faites aux filles en milieu scolaire. Les enfants qui ont l'âge de scolarisation, surtout les enfants qui ont de 16 à 17 ans, abandonnent l'école pour aller faire le commerce. Et il y a aussi les filles qui aillent faire le mariage précoce, mais également les filles qui aillent chercher de l'emploi dans des centres Zirbe, à Bujumbura ou ailleurs. Selon toujours cette coordinatrice, c'est par rapport à tout cela que la coalition Éducation pour tous a organisé cet atelier en l'intention des représentantes des organisations féminines et celles des groupes marginalisés avec l'objectif suivant. De sensibiliser et surtout de les former sur une approche appropriée pour faire face aux défis qui minent le secteur éducatif, surtout en lien avec l'exclusion, pour prêcher bien sûr pour une éducation inclusive et de qualité et d'équité. Certaines des participantes à cet atelier se réjouissent de cette formation. Elles disent d'aller faire des sensibilisations dans le social pour éradiquer ce genre de marginalisation faite aux enfants. On va essayer d'aider ces enfants qui vont à l'école tous. 23% des enfants en âge de scolarité parmi ces groupes marginalisés ne sont pas à l'école, selon l'étude faite en 2020 par cette coalition Bafashevige. Jérôme Hakizimana depuis Makamba, Radio Isanganiro. Merci à Jérôme Hakizimana. Dernier dossier de l'actualité nationale, le dépotoir de la zone de Buterere a été déplacé vers le site Nyarumanga de la même localité il y a 2 mois. Certains des habitants tout près de la zone qui craignaient pour leur santé sont soulagés. D'autres, par contre, voient dans ce dépotoir une source de revenus et demandent l'assistance et l'emploi pour ne plus fréquenter ce lieu. Actualité internationale. En actualité internationale au Niger, il y a eu ce mercredi des échauffourées et arrestations après la publication des résultats provisoires des élections présidentielles en RDC. Au moins 11 personnes ont été tuées dans une attaque attribuée à la rébellion d'origine ougandaise qui a eu lieu dans la zone de Missima en début de cette semaine. Et au Ghana, et le Ghana plutôt a reçu depuis ce mercredi la première livraison mondiale des vaccins gratuit du dispositif COVAX. Les détails avec Vestine Outoy. Au Niger, au lendemain de la publication des résultats globaux provisoires du second tour de la présidentielle, sa capitale a été le théâtre de quelques échauffrées mercredi le 24 février en brûlant des pneus, en vandalisant la station-service et autres bagarres sur fond des contestations des résultats par l'opposition. Selon le site de la Radio France Internationale, ces résultats provisoires proclame vainqueur le candidat du parti au pouvoir PNDS, Bazoum Mohamed, avec près de 56% des voix, devant celui du RDR, Tchangi Mohamed Ousmane, crédité en tête avec un peu plus de 44% des suffrages exprimés. Le soir de son mercredi à la télévision nationale, le procureur de la République a affirmé que suite à ces troubles, plusieurs personnes ont été interpellées et que d'autres sont recherchées sans plus de précision. Toujours selon la RFI, dans la nuit de mardi à mercredi, Mahamane Ousmane, candidat du parti RDR aux élections présidentielles, a fait sa première déclaration après la proclamation des résultats provisoires du second tour de la présidentielle, où il dénonce des fraudes et rejette les chiffres publiés par la CENI. Il se dit en tête avec 50,3% des voix et promet d'utiliser tous les moyens légaux pour défendre la victoire qu'il revendique. En RDC, mardi soir, au moins 11 personnes ont été tuées, dont 2 calcinés dans une boutique, certaines maisons incendiées à Kissima, dans le secteur de Gwenzori, territoire de Beni, lors d'une attaque attribuée aux combattants de la rébellion d'origine ougandaise ADF, qui ont multiplié des incursions dans cette zone ces dernières semaines. L'armée a décidé de renforcer sa présence dans la zone puisqu'il a été constaté des actes de résistance communautaire à côté de la rébellion. Au Ghana, l'avion a atterri ce mercredi matin à Accra pour la première livraison au monde de 600 000 doses du vaccin AstraZeneca Oxford du dispositif COVAX fabriqué par le Serum Institute of India et expédié par l'UNICEF depuis Mumbai. Selon toujours la RFI, ces doses gratuites sont censées lisser les inégalités entre pays riches et à faible revenu face à l'approvisionnement en vaccins. Voilà, c'est par ici que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci à Innocent Bimonimana pour sa parfaite collaboration technique. À la présentation, vous étiez avec Evariste Ndikomanyanga. Un bon après-midi à toutes et à tous.